petit détail, est-ce que vous pourriez agiter lentement le buste d'avant en arrière, comme si vous rythmiez quelque chose? Voilà, 1, 2, 1, 2. Si vous avez les cheveux longs qui se balancent, encore mieux. Allez, on s'entraîne encore un petit coup. C'est parti et on y va! Salut, vous écoutez le carnet de notes de Luc Saint-Élie. Le site est à http://blog.saintelie.com. Sur ce site, vous pouvez lire mes notes écrites, télécharger mes notes audio, poster des messages, poser des questions, gagner au loto, voyager sur la lune, acheter des chaussettes neuves et plein d'autres choses passionnantes. Si vous avez une remarque sur ce que je raconte, vous pouvez également le dire à mon répondeur, la journée, au 08 70 73 20 28. Je dis plus d'une voix suave et lascive parce que ça marche pas. Mais enfin, c'est pas interdit, hein. Vraiment, ça n'est pas interdit. On vient de commencer avec un groupe de bâtons rouges en Louisiane qui s'appelle Kinetic Output et qui nous jouait « Deal With It ». Is their God? The big lie should open to your job. Slice of the pie is green and rotten. The big lie, love is forgotten. Trois choses principalement au menu aujourd'hui. La première concerne Microsoft et plus exactement les employés de Microsoft qui se sont vus gratifiés d'un article dans Wired à la suite de quelque chose qui est tout à fait anecdotique au fond mais qui est assez représentatif de notre approche de la technologie. La deuxième concerne un article que j'ai lu cette semaine et qui traite d'un sujet qui d'ordinaire relève de la dérision cynique. Il s'agit en fait de comment noyer un projet en 12 leçons. La particularité, c'est que là, c'est formalisé de façon très calme, froide et technique. Une bonne approche, ça. Le troisième, c'est une brève qui est passée totalement inaperçue et qui explique qu'il n'est pas exclu que dans le futur, on ait des virus dans nos bagnoles. Ça risque d'être fun. Alors, on commence par Microsoft, donc. L'histoire part d'un article de Wired, article qui a été abondamment repris par à peu près tous les sites péritechnologiques et qu'on verra très probablement dans les numéros du mois prochain des magazines informatiques. C'est donc une actu publiée par le magazine américain Wired et qui dit que sur les 250 000 employés du campus de Microsoft, Microsoft est à Seattle, c'est sur la côte ouest, et tout en haut, juste en dessous de la frontière canadienne, c'est un des endroits les plus sinistres de la planète. Il y a aussi Boeing là-bas, c'est hyper rock'n'roll Seattle. Je suis allé une fois, j'ai cru que j'allais mourir. Si vous avez vraiment envie d'en finir avec la vie, allez la finir à Seattle. Donc 25 000 employés. Sur ces 25 000 employés, il y en a 80%, donc 16 000 qui ont un baladeur musical. Jusque-là, rien de très extraordinaire. Et ces 16 000, ils ont des iPods. Bon. C'est vraiment de l'anecdote sans intérêt, sauf qu'on est en plein dans Microsoft le diable vs Apple le gentil, et donc du coup Wired fait deux pages là-dessus. Alors j'ai lu ça et j'ai trouvé passionnant qu'on puisse consacrer autant de temps, autant d'espace, et encore une fois ça va être abondamment repris, à quelque chose qui au fond n'a aucun intérêt. Si ça se trouve, les employés de Renault viennent travailler en 206, personne n'en saura jamais rien, et puis surtout, tout le monde s'en fout, et tout le monde assume de s'en foutre. Et si ce genre d'anecdote fait couler autant d'encre, ou de pages web, c'est, à mon avis, quelque chose qui relève d'un truc qui me passionne, c'est notre approche de la technologie. Technologie a ça de particulier que ces dirigeants, qui sont des chefs d'entreprise, des super VRP, sont considérés comme des prophètes. Et tout ce qui tourne autour de la technologie contribue à faire de ces gens des prophètes. Il y a une anecdote qui m'a beaucoup marqué, elle remonte à pas tout jeune, ça doit faire maintenant bien, je me rappelle plus, quelque chose comme 10 ans, peut-être 15 ans. C'était Porte de Versailles à Paris, pour l'ouverture d'un des derniers grands salons informatiques. Maintenant ils sont presque tous morts, mais à l'époque il y avait encore des grands salons informatiques à Paris. À l'époque, Jospin était Premier ministre, et sur la scène de l'inauguration de ce salon, donc il y avait Jospin, Bill Gates, et puis quelques autres patrons de grosses boîtes. Jospin a fait son discours de politique, je vais vous arranger la vie, avec moi la vie sera plus belle, etc., etc. Et à la suite, juste derrière, il y avait Bill Gates, qui en s'adressant à la fois au public et à Jospin, a expliqué à tout le monde comment la vie allait être meilleure avec tout son arsenal numérique, comment nos enfants allaient pouvoir mieux travailler à l'école, mieux vivre et devenir de meilleurs citoyens. Et tout le monde a applaudi, les journaux ont couvert ça, tout le monde a trouvé ça normal. Et ça, c'est un phénomène qui est assez incroyable et qui s'est répété plusieurs fois d'ailleurs. Ça m'a marqué, cette histoire de la Porte de Versailles, mais on doit pouvoir retrouver la même anecdote un petit peu partout au fil du temps. Imaginez deux secondes une tribune où Raffarin viendrait nous expliquer pourquoi sa politique est la meilleure du monde, et juste derrière, le président de William Sorin, qui en s'adressant à Raffarin et au public, expliquerait pourquoi, grâce à ses saucisses, nos enfants vont mieux travailler à l'école, devenir de meilleurs citoyens, et que tout le monde deviendra bien plus heureux en mangeant son cassoulet en boîte. Tout le monde se dirait que ce type vient de péter un câble, qu'il faut l'interner d'urgence, et que vraiment c'est un scandale, un truc pareil. Mais là c'est de la technologie, donc on a un VRP qui arrive, qui ouvre sa mallette et qui explique qu'avec son produit B et son produit C, notre vie va être meilleure, et qu'il faut vraiment que notre pays, pour son bien et le bien de ses enfants, lui achète ses produits. Tout le monde applaudit et trouve ça génial. Au fond, je sais même pas si c'est vraiment dangereux, c'est ridicule, mais dangereux j'en sais rien à vrai dire. Parfois ça conduit à des trucs assez cyniques. En revanche, la chose qui me fait bondir, c'est la fameuse fracture numérique. Vous savez, le monde bon vieux monde vit des drames atroces, puisqu'il y a des pays où non seulement les gens meurent de faim, mais ils n'ont pas d'ordinateur. Ou bien, pas besoin d'aller si loin que ça, d'ailleurs même dans nos pays à nous, il y a des gens qui sont ultra pauvres, qui ont à peine de quoi se loger, limite de quoi bouffer, et surtout, et c'est là où est le véritable drame, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, ils n'ont pas d'ordinateur, ils sont en plein dans la fracture numérique. Personnellement, j'aurais tendance à penser que ces gens-là, ils sont plutôt dans la fracture alimentaire, par exemple. Mais non, ils sont dans la fracture numérique. Je trouve que c'est un côté hyper cynique, ce genre de démarche. Ce qui est grave avec ces gens, c'est pas tellement qu'ils mènent une vie de merde, qu'ils ont à peine de quoi se loger, de quoi bouffer, etc., mais c'est qu'ils peuvent pas avoir un ordinateur. Ça, c'est absolument abominable. Il y a eu même d'ailleurs des manifestations dans le domaine de la branchitude là-dessus. Il y a quelques années, un prof de l'école normale, j'en bafouille, supérieure, qui s'appelle Dicosmo, je crois, qui est par ailleurs un type tout à fait bien, intelligent, cultivé, etc., s'était fendu d'un bouquin qui s'appelle Le Hold-up Mondial, pour expliquer pourquoi Microsoft, en gros, était l'antéchrist. En oubliant un léger détail, c'est que Bill Gates, il joue son rôle de VRP. Puis d'ailleurs, plus on en dit du mal, plus on parle de lui, et plus les chiffres d'affaires de Microsoft augmentent. Mais ce qui était fascinant dans ce bouquin, donc de, je ne me rappelle plus son prénom, mais je crois que c'est Robert, mais je ne suis pas sûr, Dicosmo, c'est que c'est un bouquin très sérieux, très docte, écrit par un universitaire et qui explique que c'est un scandale parce que on utilise Windows dans je ne sais pas quoi, et nos enfants, que va devenir l'avenir de nos enfants ? Je suis pas certain, j'en ai deux d'enfants, que leur avenir soit extrêmement lié à Windows. Le dernier à 10 ans, il est fort probable que le jour où il sera adulte, un ordinateur sera de toute façon pas la tête que ça a aujourd'hui, et si son avenir est lié au système d'exploitation de son ordinateur, alors là, il vaut mieux que je me pende tout de suite, quoi. Franchement, je trouve ça totalement ridicule. L'anecdote qui veut que les employés de Microsoft aient des iPods, d'Apple, donc, devrait être quelque chose qui nous fait réfléchir, parce qu'au fond, franchement, on n'en a rien à foutre et on peut vraiment se demander pourquoi tout le monde en parle comme ça. C'est d'autant plus rigolo que cette vision avec Bill Gates en diable et puis les autres variants selon les époques en Jésus-Christ, comme ça, auréolé de lumière, quand on les voit sur place, ça a quelque chose de tout à fait hilarant. Il y a quelques années, à l'époque, je travaillais pour un magazine qui s'appelle Le Monde Informatique. Je passais pas mal de temps aux États-Unis, et notamment en Californie. C'était la grande époque de la pré-bulle, disons. Et entre autres, un jour, je suis allé visiter Netscape. Alors aujourd'hui, Netscape, plus personne ne sait ce que c'est, mais à cette époque-là, Netscape, c'était vraiment le messie. Pratiquement eux qui ont inventé le web. Berners-Lee a inventé les principes du web dans son labo en Suisse, et puis il y a un type qui s'appelle Marc Andreessen qui a fait le premier navigateur, et puis ensuite à partir de ça il a créé la boîte qui s'appelle Netscape. Donc quand on a déboulé là-bas, nous Européens, on était allés voir un mythe, littéralement un mythe. Et ce qui m'avait fasciné, c'est que Andreessen nous a fait pas mal de petits discours comme ça, en bouffant ou en salle de réunion. Et pendant tous ces discours, en gros, lui, ce qu'il nous racontait, c'est super, j'ai une boîte qui marche bien, je vais gagner un max de pognon, c'est vraiment géant. Et nous, on était là, d'autre côté, en train de dire, Dieu le Père va nous parler, il va nous inonder de sa belle parole lumineuse. Lui, pas du tout, il était là vraiment très réaliste, quoi, en disant, ouais, moi j'ai trouvé un créneau qui marche bien. Ce qu'il explique d'ailleurs dans un bouquin, il a une biographie qui a été publié il y a quelques années, qui s'appelle Speeding the Net, je crois, je ne sais pas si c'est encore disponible chez nous, qui est un truc tout à fait incroyable quand on le replace à côté de l'image, cette espèce d'image magique de la technologie, les technologies qui allaient changer notre vie, qui touchent tous les domaines, etc., grâce à laquelle on allait devenir enfin heureux et libre. Et lui qui explique tranquillement qu'au fond, c'est super, il va se faire un max de thunes, il va être hyper riche et mener une vie bien cool. Eh bien, cette histoire de Wired, pour moi, s'inscrit tout à fait là-dedans. Je pense qu'un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on arrive à voir la technologie pour ce qu'elle est. C'est un amas de quincaillerie parfois pratique, souvent énervant, qui marche de temps en temps. Mais de là à lui conférer des vertus magiques ou messianiques, il me semble y avoir un petit peu de marge quand même. sujet suivant, c'est un article qui est paru sur Kuroshin. Kuroshin est un site qui est à cheval entre la technologie et la culture. Il ne parle pas de technologie, pas de culture, mais de l'intersection entre les deux. C'est un positionnement que j'aime bien. Et cet article, qui est un article très sérieux, très méthodique, parle de la bonne manière d'empêcher le changement. Superficiellement, quand on le parcourt comme ça, au début, on croit à la boutade. Et en fait, pas du tout, c'est quelque chose qui est traité extrêmement sérieusement, extrêmement méthodiquement, on dirait un rapport de consultant. Il part du constat qu'il y a un certain nombre d'activités où le changement est un souhait généreux, gentil et agréable, mais où l'impératif, c'est de gérer le blocage du changement. Le premier exemple qui vient à l'esprit, c'est la politique. Mais on va retrouver ça dans plein d'autres domaines qui vont de la médecine, par exemple, face à une maladie qui n'a pas de solution immédiate. Le rôle du médecin, ça va être d'accompagner le patient dans une espèce de stagnation de son état. À l'autre bout du spectre, on va trouver toutes les boîtes de logiciels, au-delà tous les fabricants de produits en général, qui n'ont pas d'intérêt particulier à faire un produit parfait du premier coup, puisque ça les empêcherait de sortir par la suite des évolutions de ce produit. Et donc, toute la subtilité de la manœuvre, c'est de gérer un freinage du changement. Si tout va trop vite, on tue le business. Et donc, cette description en 12 points, elle est à la fois cynique et extrêmement réaliste, et je trouve qu'elle est passionnante à lire parce que quand on la parcourt comme ça, on y retrouve tout un tas de choses qu'on a pu voir à l'œuvre, dans la vie courante, dans la vie sociale, dans la vie publique, dans la politique, sans forcément à chaque fois y faire attention. Et en superposant ce qu'on a pu observer derrière ces 12 points de la méthode, on retrouve plein de fonctionnements qui sont extrêmement classiques. En gros, ces 12 points décrivent une progression. L'élément de base, ça va être de regrouper tous les moteurs du changement pour les avoir sous les yeux, et puis ensuite de freiner leur progression tout en les flattant. Premier moyen de freiner leur progression, ça va être de les inonder de budget et de moyens, sachant que si on les surbudgétise et qu'on leur donne des moyens disproportionnés, ils vont passer plus de temps à la gestion interne qu'à l'avancement de leur projet. D'autres points traitent du fait de les noyer sous des demandes de fourniture de données. Ça, c'est un truc qui est très utilisé en politique. Si on veut noyer un projet, on met en place une commission qui va mettre en place une sous-commission qui elle-même mettra en place des groupes de travail. Et le boulot de ces groupes de travail étant de pondre un rapport d'étude, et pendant que tout ce petit monde gratte du papier, rien ne change. Ça, c'est un truc qui est extrêmement classique. Et parmi les différents points, il y en a d'autres qui vont de la valorisation de certains en les baptisant experts et donc en les faisant parler un petit peu partout, à des trucs assez subtils, et ça qu'on trouve pas mal dans les entreprises, qui est de faire participer ce groupe qui est censé apporter le changement au consensus global. Or, ce que fait remarquer l'auteur avec justesse, c'est que le changement et le consensus, c'est complètement antagoniste. Donc, si on demande au groupe qui est censé apporter le changement de faire évoluer le reste avec lui, c'est la manière la plus efficace de les empêcher d'effectuer quelque changement que ce soit. Donc, le plus simple, donc, c'est de lire ce texte. J'ai demandé l'autorisation à son auteur de le traduire en français. Il ne m'a pas encore répondu. Je ne sais pas s'il répondra un jour. Donc, ce texte est en anglais. Si vous parlez anglais, je vous en recommande tout à fait la lecture. Vous allez forcément retrouver des choses et vous dire « Ah ouais, bon sang, mais c'est bien vrai, c'est vraiment un texte formidable. » Passe à un truc beaucoup plus futile avec une petite news qui est passée complètement inaperçue et qui concerne l'éventualité d'avoir des virus dans les voitures. Les virus, tout le monde connaît, sur les PC, c'est devenu le truc pénible du moment. On commence à parler de virus sur les téléphones mobiles. Mais il y a un autre appareil de notre environnement technologique qui est de plus en plus bourré d'électronique et qui est en train de devenir bourré d'informatique, c'est l'automobile. Alors, l'info part d'une société russe qui fabrique un antivirus et qui a été ou aurait été contactée pour savoir si elle était capable de traiter un virus envoyé sur une bagnole, en l'occurrence de marque Lexus, depuis un téléphone portable. Il n'y a pas de preuve patente que ce virus existe bien, mais quelqu'un a consulté cette boîte pour savoir si elle était capable de le traiter. Ça, je trouve que c'est une news qui laisse rêveur. Imaginez, vous commencez la semaine le jeudi après-midi, vous avez passé le début de la semaine au soleil, dans l'herbe, allongé, à regarder les petits oiseaux ou à bouquiner, vous pointez dans le bureau de votre boss et vous lui dites « Je suis désolé patron, lundi j'ai voulu aller bosser et j'ai commencé à rentrer sur le périph et brutalement ma bagnole elle a fait demi-tour et elle m'a emmené au bord de la mer. » C'est vrai que ça donne des idées, ça, quand même. Ouais, virus dans les voitures. Bon, bah c'est pas tout, ça. Il va falloir y aller. Ah, quelqu'un qui rentre. Ouais, je sais, mais il va falloir y aller quand même. Donc on va se quitter avec un groupe de Texans qui s'appelle Rune. Et ma foi, ciao, à la prochaine fois. Et n'oubliez pas que si vous avez des réflexions, des réactions à ce que vous venez d'entendre, vous faites la journée le 08 70 73 20 28. Allez, salut. Now I've turned things around. How does it feel? I feel pretty fucking ugly. Inside, I burned it to the ground. No one left to fear.